des temps modernes, le portable efface les poèmes. Le temps des fleurs est révolu, l'Amérique est parvenue. Elle arrête autrefois probablement un peu plus vieux acides, nos parents de leur rêve sa vie de bonheur. La solitaire arrive au milieu de guerre, sans chaleur. De la demeure de Paris, où on compte les murmures du passé, sur les pavés, le métro. S'asseoir, c'est pathétique. Mais 68, c'était hier. T'étais trop jeune, t'as pas connu. Et puis t'as même pas fait la guerre. C'est triste à dire, bien entendu. Suffit d'y croire pour y arriver. Suffit de vouloir pour avancer. Y'a si t'essaies, tu peux échouer. Faisons le monde dès ce soir. Les vieux maintenant ne sont plus des sages. Y'en a qui disent c'est des retraités. Tu comprends pas, c'est que t'as pas l'âge. On attend quoi pour te changer. Suffit d'y croire pour y arriver. Suffit de vouloir pour avancer. Et si t'essayes, tu peux échouer. Qu'à tenter pour pouvoir y'a qu'à rêver. Pour y croire, faisons le monde dès ce soir. Vous parlez de ma génération qui connaît que la liberté. Qui sert même pas de son melon. Qui écoute Skyrock pour se cultiver. Suffit d'y croire pour y arriver. Pour avancer, y'a que si t'essayes que tu peux échouer. Y'a qu'à tenter pour pouvoir y'a qu'à arriver. Pour y croire, en faisant le monde dès ce soir. Trouvez-moi donc qu'on peut s'aimer sans pour autant se taper dessus. Mélangez-vous aux inconnus, prenez-vous tous main dans la main, reprenez tous ce petit refrain. Merci de nous avoir entendus.